Crash à 320 000 mètres d'altitude, ce pourrait être le titre du film catastrophe qui a été évité le 2 septembre dernier, lorsque l'Agence spatiale européenne a dérouté son satellite pour éviter une collision avec l'un des multiples microsatellites de la constellation Starlink de la société SpaceX. Mais avec plus de 8000 satellites en orbite et des dizaines de milliers de débris allant de l'étage de fusée au boulon ou au fragment d'antenne, ces collisions évitées de justesse deviennent de plus en plus fréquentes jusqu'au jour où il sera quasi impossible de les éviter, à moins d'instaurer un bison futé spatial international. Trafic spatial des bouchons dans le ciel, c'est le programme embouteillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour nous orienter dans les ralentissements et trouver les itinéraires orbitaux bis pour éviter le fameux péage de Saint-Arnoux, ce retour de week-end de vacances, c'est ma blague favorite depuis une semaine. Nos deux référents trafic du jour sont aujourd'hui Christophe Bonal, bonjour. Bonjour. Chercheur au CNES, président de la commission débris spatiaux de l'Académie internationale d'astronautique et auteur de Pollution spatiale, l'état d'urgence. C'est aux éditions Belin. Et Xavier Pascaud, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche stratégique, spécialiste de l'espace, auteur du nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est au CNRS édition. Et on va garder un peu la tête dans les étoiles puisque le prix Nobel de physique est tombé ce matin. Il a été remis. On en parle tout de suite dans le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et donc, prix Nobel de physique ce matin qui revient à l'américain James Peebles pour ses travaux en cosmologie et aux deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, pour leur découverte de la toute première exoplanète. En 1995, les deux astrophysiciens ont fait la découverte de l'exoplanète 51 Pégase B, à plus de 50 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Pégase. Aujourd'hui, découvrir des exoplanètes n'est plus si exceptionnel, on en compte plus de 4000, mais à l'époque, c'est une révolution. Et depuis, c'est tout un champ disciplinaire qui s'est ouvert et qui est aujourd'hui très dynamique. En 95, on avait seulement trouvé 4 exoplanètes autour d'un pulsar, c'est-à-dire d'une étoile en fin de vie. On ne savait donc pas s'il était possible de trouver dans l'univers des systèmes planétaires similaires aux nôtres. Michel Mayor et Didier Queloz ont fait cette découverte grâce à la méthode des vitesses radiales. 51 Pégase B orbite autour d'une étoile comme autour d'un soleil, sauf qu'il s'agit d'une planète d'un autre genre. Magali Deleuil est professeure à l'université d'Aix-Marseille. Elle travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille sur les exoplanètes. Michel Mayor et Didier Queloz sont les premiers qui, à partir de l'analyse d'un signal périodique qu'ils avaient détecté sur une étoile relativement proche de nous, qui est 51 Pegasus, en fait, la constellation de Pégase, ont dit que ce signal, la seule interprétation qu'il y avait, c'était qu'il était dû au mouvement d'une planète autour de l'étoile, de cette étoile-là. En fait, la planète n'est pas visible et ce qu'on détecte, ce sont les perturbations gravitationnelles que sa présence induit sur le mouvement de l'étoile qui se trouve présenter un mouvement qui est l'exact reflet du mouvement de la planète autour du centre de masse commun. Et donc, la découverte a été révolutionnaire parce que c'était la première preuve vraiment formelle de l'existence de planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil et d'une planète complètement atypique parce qu'en fait, on avait affaire à une planète très massive, à peu près la moitié de la masse de Jupiter dans notre système solaire, mais donc une très grosse planète très près de son étoile avec une période orbitale de moins de 5 jours. Le mérite aussi de Michel Mayor et de Didier Queloz, ça a été de faire un peu une analyse exhaustive des sources possibles d'origine de ce signal et ils ont exclu tous les cas. La seule explication qui était vraiment solide et qui est restée solide, c'est celle d'une origine planétaire en fait. Leur mérite est d'autant plus important qu'on n'a pas de planète de ce type dans le système solaire. Voilà pour ce double prix Nobel, hein, puisqu'il y a Michel Mayor et Didier Queloz d'une part, et James Peebles qui lui a été récompensé pour ses travaux en cosmologie. Je vous renvoie à l'article que nous avons posté sur le site franceculture.fr où on vous détaille tout ça avec des liens vers d'anciennes émissions, pas que la méthode scientifique, des émissions du camarade Daily George aussi. Tout ça, c'est sur franceculture.fr. On vient de vous mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc, puisque c'est mardi et mardi, c'est astrophysique. J'en profite pour demander peut-être une petite réaction à mes deux invités, Christophe Bonald, sur ce prix Nobel. Oh, c'est formidable. C'est tellement mérité. Mais surtout, c'est rare qu'un prix Nobel nous fasse rêver tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On a là encore, il y avait une annonce encore tout récemment. Il y en a une grosse, mais pas trop, dans une zone habitable. Tiens, on a détecté de l'eau dessus et tout. Il y a 2,18 B, on en parlait la semaine dernière. Tout ça, ça a démarré grâce à eux. Donc là, vraiment très mérité. Et Basco ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est pour les non-spécialistes, en réalité, la vraie nouvelle avec cette première découverte, c'était qu'il pouvait y avoir des mondes habitables, ou en tout cas, où la vie pouvait s'être développée. Et donc, cette recherche aussi d'une similitude avec la Terre, donc un peu anthropocentrée, enfin, et ça a redonné un peu du sens à la recherche spatiale, qui n'en manquait pas, bien sûr, mais ça l'a peut-être un peu plus popularisé. Voilà, et tout ça, et on a même retrouvé le lien vers la première publication qu'on vient de vous poster sur le fil @laméthodefc, et demain, ce sera donc le prix Nobel de chimie. Et on passe au bref du jour. Selon deux arrêtés publiés aujourd'hui au journal officiel, la Sécurité sociale ne remboursera plus l'homéopathie à partir de 2021. Et cela fait suite aux conclusions de la Haute Autorité de Santé, fin juin, qui avait annoncé l'absence d'efficacité avérée des produits homéopathiques. Le ministère de la Santé organise donc la fin du remboursement des médicaments homéopathiques. Cela concerne plus d'une centaine de produits. Selon le Copernicus Climate Change Service, ce mois de septembre a été le mois le plus chaud jamais enregistré. C'est un record depuis le début des observations satellitaires en 1969. C'est plus chaud encore que septembre 2016. Partout dans le monde, les températures moyennes ont été élevées d'un demi-degré de plus. L'été 2019 est déjà enregistré comme l'été le plus chaud sur Terre. Et ce début octobre, on observe partout des vagues de chaleur. 35 degrés à New York et plus de 47 degrés au Koweït. Selon ce rapport, il s'agit d'un signe d'une tendance à long terme. Les deux instruments LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie vont collaborer avec Kagra, qui est le nouveau détecteur d'ondes gravitationnelles au Japon. Les trois pays viennent de signer un accord pour leur collaboration. Kagra est dirigé par l'Institut pour la recherche sur les rayons cosmiques de l'Université de Tokyo et il se trouve près du village de Kamioka. Il a la particularité d'être enterré sous terre. C'est pour le protéger des vibrations sismiques et des tempêtes à la surface. Une des avancées technologiques de ce nouvel instrument ultra-sensible, ces miroirs fonctionnent à une température cryogénique à moins de 150 degrés pour limiter le bruit thermique, ce qui limite la sensibilité des interféromètres classiques. Après 10 ans de chantier, Kagra devrait donc être opérationnel en décembre. Et selon une pré-publication sur le site Archive, le trou noir supermassif qui est au centre de notre voie lactée Sagittarius A étoile aurait provoqué une énorme explosion il y a 3,5 millions d'années. Une équipe australo-américaine a examiné les données du télescope spatial Hubble et elle observe des zones fortement ionisées jusqu'en dans les nuages de Magellan, des galaxies qui sont proches de la nôtre. Selon les chercheurs, une énorme explosion au cœur de la Voie lactée aurait formé deux énormes cônes d'ionisation qui auraient traversé notre galaxie jusqu'au nuage de Magellan. Seule la puissance d'un trou noir aurait pu provoquer ça, dit l'étude. Ce pré-papier montre que, contrairement à ce que nous pensons, l'histoire de notre galaxie n'est pas inactive et que Sagittarius A étoile n'est pas un trou noir si tranquille. Si vous voulez tout savoir sur Sagittarius à étoiles, eh bien on va vous mettre le lien vers l'émission que nous y avions consacrée. Merci Natacha, qui s'en va en courant déjà. Plein d'autres choses à faire, tant d'autres choses à faire. Demain, on parlera dans le Journal des Sciences du dernier prix Nobel scientifique. Alors, je vais me faire gronder, parce qu'on va me dire que l'économie est aussi une science. Mais en tout cas, des sciences qui nous concernent à la méthode scientifique, ce sera le prix Nobel de chimie demain. On passe à notre sujet du jour, et c'est sur Twitter que nous avions appris la nouvelle. C'était le 2 septembre dernier. For the first time ever, ESA has performed a collision avoidance maneuver to protect one of its satellites from colliding with a mega constellation. Je vais vous le refaire en français. Pour la première fois de son histoire, l'ESA a effectué une manœuvre d'évitement de collision pour protéger l'un de ses satellites d'entrer en collision avec une méga constellation. Cette méga constellation, c'était l'un des micro-satellites du projet Starlink de la société d'Elon Musk, SpaceX, qui prévoit d'ores et déjà d'envoyer en tout plus de 12 000 modules en orbite, ce qui multiplierait le nombre de satellites en activité autour de notre planète par 6, puisqu'ils sont environ 2000 aujourd'hui, et tout ça au grand dam de la communauté spatiale internationale, puisque au vu de l'augmentation exponentielle des objets d'une part et des débris d'autre part autour de notre planète, eh bien la question se pose de mettre en place une sorte de bison futé spatial international. Faut-il le faire ou non ? Eh bien, selon Lucien Barnier, qui est interrogé dans Interactualité en février 1978, il n'y a pas grand risque. Depuis 1957, il y a eu effectivement 10 638 objets, satellites, derniers étages de lanceurs et capotes qui ont été largués dans l'espace. Il en reste maintenant 4272, pas seulement des satellites actifs, mais aussi des épaves, qui proviennent des coiffes, j'ai dit capote tout à l'heure, le terme technique c'est coiffe, des panneaux solaires qui ont été désarticulés, et des derniers étages de lanceurs, ce qui veut dire qu'il a disparu 6400 objets sans que de graves accidents se soient produits. Je crois que la première fois que l'on a entendu parler d'une chute d'un objet fabriqué par l'homme, d'une chute d'un objet orbital, c'était en Tchécoslovaquie, c'est un fragment de satellite qui est tombé devant le nez d'un attelage de chevaux de labour. Après, il y a eu une chute en mer, mais je crois que d'emblée, il faut dire que d'une manière générale, il n'y a pratiquement pas plus de risque réel de collision d'une épave de satellite que de risque d'une collision avec une météorite. Voilà, on est en 1978, peut-être une petite réaction à ces prévisions, Christophe Bonnel. C'est formidable, et évidemment c'était très dur de prévoir quoi évidemment que ce soit en 78. Alors, par contre quand même, en 76, notre ami Don Kessler de la NASA, qui était un spécialiste d'astéroïdes, étudiait les impacts d'astéroïdes sur les hublots des capsules Gemini. Il avait été étonné de voir qu'il y avait des astéroïdes qui en fait étaient des débris spatiaux, déjà. Donc déjà en 76, il avait identifié des impacts de petits débris sur les véhicules habités de la NASA. Et c'est à ce moment-là que la NASA a décidé de créer le bureau débris au Johnson Space Center, dont il est devenu le premier directeur. Enfin. Xavier Basco. Oui, on a effectivement le témoignage. Avec ce témoignage, on a bien l'idée de l'évolution qu'il y a eu depuis 57 du paysage spatial. C'est un paysage qui se transforme. Et alors, on n'en est qu'au début de la transformation, parce que tous ces projets de méga-constellations dont on parle aujourd'hui sont en devenir, j'allais dire. Mais on commence à avoir l'idée quand même qu'un certain nombre d'entre eux vont exister et vont littéralement transformer certaines orbites en des couches d'infrastructures qui vont être de plus en plus utilisées et qui donc vont possiblement être sujettes à effet de cascade. C'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on se sert de cette annonce de l'ESA le 2 septembre comme quelque chose finalement d'un peu nouveau ou d'un peu exceptionnel, mais Christophe Bonnel, en fait, des manœuvres d'évitement avant, c'était très rare. Aujourd'hui, c'est, on va pas dire quotidien, parce que ce n'est pas le cas, mais ça devient de plus en plus courant. C'est à peu près quotidien. Et donc, il y avait un tout petit bémol dans l'annonce ESA, là. C'est la première fois que l'ESA a fait une manœuvre entre deux satellites actifs. Absolument. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'ils ont eu à manœuvrer face à un autre satellite actif. Par contre, ils manœuvrent souvent, je pense, une quinzaine de fois par an, donc au moins une fois par mois, vis-à-vis de débris. Donc, entre un satellite actif et des débris. Grosso modo, on estime que dans le monde, il y a une manœuvre par jour. Et Pascal ? Alors précisément sur cette annonce ESA aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'ESA aussi, c'est une sorte d'avertissement vis-à-vis de ces nouveaux acteurs qui arrivent. Si ça a été, vous avez dit, ça a été tweeté, ça a été symboliquement repris dans pas mal de médias, etc. Je crois que c'était le but recherché aussi. C'était de dire, désormais, soyons tous responsables. Et quelque part, ce tir de 60 satellites auquel il a été procédé par SpaceX. Starlink. Hein, Starlink. Le début de cette constellation. Précurseur Starlink. De cette constellation, etc. Et on dit, OK, on en prend acte, mais agissez de manière responsable. Je crois que c'est ça aussi le message. On peut ajouter tout de même que dans cette affaire, effectivement, c'était deux satellite actif et que c'est l'ESA qui a procédé à la manœuvre d'évitement parce que SpaceX n'a pas bougé le petit doigt. Ça a été extrêmement enrichissant. Hein. Donc, vite, un petit peu deux mots d'histoire. Donc, c'est le 28 août que SpaceX et l'ESA sont rentrés en contact l'un l'autre en disant « Ouais, tu vois ce que je vois ? Oui, d'accord. Probabilité, une chance sur 100 000 Bon, donc là, ils sont convenus que bon, ça va, c'est pas trop critique. On garde l'œil ouvert et puis on se recontacte si ça évolue. Et trois jours après, enfin quatre jours après, donc 2 septembre, la probabilité était montée à 2 10 -3, de chances sur 1000. Hein. Et là, ben, quand on parle d'un satellite comme Eolus qui vaut dans les 400 ou 500 millions d'euros, qui est le satellite de l'ESA, mais on ne plaisante pas. Donc là, l'ESA a cherché à contacter SpaceX et n'y est pas arrivé. Et là, c'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire SpaceX a juste dit, ben c'est mon téléphone qui marchait pas. C'est ça, non mais ce qui est incroyable, c'est qu'on peut imaginer que compte tenu du niveau de technologie qui est impliqué, il y ait des centrales, et on va discuter, hein, parce qu'il y a par ailleurs des radars, il y a par ailleurs des systèmes d'observation, mais là, on en est à un stade où, grosso modo, j'exagère un peu, Pascal, mais on s'envoie un mail et puis la personne répond pas. On décroche son téléphone, on essaye de trouver, on tombe sur le standard en gros. Tout à fait, ça fait partie du changement de paysage que j'évoquais tout à l'heure. L'espace, c'était d'abord une affaire de gouvernement à gouvernement, j'allais dire. Et on avait des structures spécialisées, des agences spatiales notamment, qui se connaissent bien, etc. Et là, on est dans un nouveau référentiel, en quelque sorte, où une agence multinationale, intergouvernementale, doit s'adresser à un acteur privé d'un autre pays. Et là, le lien, ben on se rend compte qu'il ne fonctionne pas, les intérêts sont différents, les capacités aussi à fonctionner, voire même les modes de fonctionnement sont différents, et donc il va falloir trouver des moyens de fonctionner ensemble. Et puis on imagine bien que les enjeux effectivement ne sont pas les mêmes entre un satellite important comme Eolus, dont vous allez nous dire peut-être quelle était sa fonction, et des micro-satellites d'une constellation dont si on en perd un finalement, ça ne change peut-être pas grand-chose, il y a aussi deux poids deux mesures. Oui, juste deux mots, micro-satellite, oui. Il fait quand même 250 kilos. Bien sûr, ce n'est pas des CubeSats, mais on va revenir sur les CubeSats par ailleurs. Et là, donc Eolus, c'est un satellite LIDAR qui tire un laser vers l'atmosphère de manière à détecter les vents, l'évolution des vents. C'est un satellite absolument fondamental pour toute l'évolution de l'environnement. Donc. Et ça, ces manœuvres... Entre satellites actifs, c'est quelque chose qui nous est arrivé plusieurs fois au CNES, hein, à Toulouse, mes petits camarades du C2O, Centre d'Orbitographie Opérationnelle. Et là, donc, eux, ils sont assez rodés. Mais c'est vrai qu'ils sont assez rodés, comme dit Xavier. Donc, on a les coordonnées de l'opérateur en face, on l'appelle, on le tweet, on lui envoie un mail, on vérifie et on décide d'un commun accord. Par contre, tout le monde est d'accord que ce serait mieux d'avoir une procédure, déjà. Hein, alors, c'est quoi la procédure ? C'est « je suis le plus gros, donc j'ai priorité », ou « j'étais là avant vous, donc j'ai priorité »,« je venais de droite », bon, ça, c'est pas terrible. J'ai les moyens de dévier ma trajectoire ou pas. J'ai les moyens, voilà, exactement. Et donc ça, on se rend compte, ça, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et qu'il va falloir établir. Peut-être, l'a évoqué Xavier Pascal, le paysage est en train de changer rapidement. Il y a ces constellations, mais il n'y a pas que ces constellations. Il y a les petits CubeSats dont on envoie, je crois, plus de 500 par an dans l'espace, qui, eux, n'ont pas de mode de propulsion, qui sont de plus en plus petits. Il y a l'augmentation exponentielle naturelle des débris spatiaux, parce que qui dit débris, un débris qui touche un autre débris, ça fait pas deux débris, mais ça en fait plusieurs, et que tout ça va à très très grande vitesse. Donc, en fait, exponentiellement, on va très vite arriver à des orbites très embouteillé. On est dans un paysage qui va être de moins en moins lisible techniquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer de le lire, on va améliorer les systèmes de surveillance, mais c'est vrai que ça va être de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus d'objets qui vont être aux mains d'acteurs de plus en plus nombreux avec des comportements, avec peut-être aussi des objets. On va devoir gérer ces constellations, donc il va falloir adapter des systèmes qui vont par exemple retirer les satellites défaillants et les faire entrer dans l'atmosphère. Donc, on va commencer à bouger, etc. Donc, tout ça, on voit bien là, on est en train vraiment de manière extrêmement rapide, bah de changer de manière d'habiter l'espace en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on prend seulement conscience maintenant. Christophe Bonin ? Oui, absolument. Enfin, c'est toute la base de ton livre. et on le sent très bien au niveau, par exemple, les méga-constellations ont une particularité. Donc, c'est généralement des satellites avec une propulsion électrique. Donc, une propulsion électrique, c'est très moderne, c'est extrêmement performant, au sens qu'on a besoin de très peu de carburant pour faire des manœuvres. Mais par contre, les poussées sont extrêmement faibles. Donc, c'est vraiment des satellites poussifs et donc qui se déplacent d'une orbite à l'autre en continu, pout, pout, pout, en montant. Et donc là, ben, on a du mal à dire où ils seront demain. Alors que d'habitude, les autres satellites, traditionnellement, bon, ils décident de faire une manœuvre, ils manœuvrent, 5 minutes après, on sait où ils sont, et ils sont à nouveau... Ils consomment des ergols, il y a des poussées fortes. On peut même imaginer que sur le mode de cette propulsion ultralente, on conçoive des norias qui soient tout le temps mobiles, finalement, et qui fassent partie de la conception même des architectures futures. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons du trafic dans l'orbite spatiale terrestre en compagnie de Christophe Bonal et de Xavier Pascaux. Alors avant de comprendre, parce que des collisions, il y en a eu, des destructions, il y en a eu aussi, comment réguler tout ça, comment adapter les acteurs étatiques, les acteurs privés, les acteurs universitaires aussi dans le lot, et de voir comment tout ça peut se réguler. Peut-être est-ce qu'on peut refaire rapidement, Christophe Bonal, parce que un tour d'horizon de l'état actuel des choses et de notre capacité individuelle en tant qu'État, l'ESA, le CNES ou la NASA, à détecter finalement tout ce qui se passe en orbite, parce que c'est quand même vaste l'orbite terrestre, ça va de 350 km à 35 000 km. Oui, et au-delà. Bien sûr. Oui. Donc là, typiquement, la détection se fait soit par des radars, soit par des télescopes. Bon, les deux technologies sont différentes, donc on détecte des objets différents. Typiquement, les radars sont beaucoup mieux adaptés pour les orbites basses, les télescopes pour les orbites hautes. Et donc là, il y a soit les objets spatiaux qui sont suffisamment gros pour qu'on sache les suivre et donc vraiment les cataloguer, être capable de dire « demain, je sais où il sera ». Et puis les autres pour lesquels on a une simple connaissance statistique. Aujourd'hui, c'est quoi l'échelle ? Ouais, aujourd'hui, on a à peu près 20 000 objets catalogués. Alors, un objet catalogué, c'est la taille du point en orbite basse, 10 cm, ou c'est 1 mètre en orbite géostationnaire. À 35 000. À 35 800 km, voilà. Et donc ça, on en a à peu près 20 000. En réalité, on pense qu'on en a 34 000, mais qu'il y en a 14 000 qui ne sont pas dans le catalogue, soit parce qu'ils sont un petit peu militaires, soit parce qu'ils sont un petit peu pas forcément publiables, etc. etc. Okay. Après, publiables, attendez, qu'on soit au clair là-dessus, ça veut dire que ce sont des objets cachés par les États ou que ce sont aussi des débris dont on a perdu la trace ? Pardon, il y a les deux, mais par contre, le catalogue, aujourd'hui, ce qu'on appelle le catalogue, c'est le catalogue public que vous pouvez trouver sur www.spacetrack.com, donc qui est libre et qui est tenu par le JSPOC, par les militaires américains de l'US Spacecom, et dans lesquels ils mettent... Le JSPOC, c'est Joint Space Operations Center, et non pas... Voilà. Tout à fait. Parce qu'on avait évidemment un peu d'amour pour Monsieur Spock dans cette émission. Donc... Si, malheureusement, c'est moins poétique. et là-dedans, donc, évidemment, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc, ils omettent ce qu'ils veulent également. Donc, 34 000 objets, sans compter, enfin, en comptant ou sans compter les débris ? Ah oui, en comptant les débris. Oui, typiquement, la moitié des objets catalogués sont des objets entiers. Il y a 5000 satellites, 8000 étages et 2000 étages de fusée, coiffes, etc. Le reste, donc l'autre moitié, c'est des fragments issus d'explosions ou de collisions ou même de vieillissement des matériaux. Au bout d'un moment, un satellite qui n'était pas prévu pour rester 30 ans là-haut, il fait des petits. Oui, il perd des petits bouts, etc. Combien de satellites actifs sur ces 34 000 objets supposés ? Alors, il n'y en a pas un recensement exact parce qu'il n'y a aucune obligation à déclarer un satellite actif, mais nous estimons aujourd'hui qu'il y en a un peu moins de 2000. Alors, 2000 sur 34 000, c'est quand même une très très large minorité. Ce qui est étonnant, c'est de voir la vitesse avec laquelle ça a augmenté. Une fois de plus, grâce, vous le signaliez tout à l'heure, grâce au CubeSat. Forcément, il n'y a que quelques années, on était à 1200 ou 1300. Quoi. Et donc, on a monté énormément, notamment à cause des CubeSat et des méga-constellations. Quoi. Mais donc, ça représente 10% de la population à peine. 10% de la population officielle. Si on tape sur les 20 000, et moins si on pense sur les 34 000. Alors, concrètement aussi, peut-être, Xavier Pascaux, on pense, peut-être une question de Béotien, mais on se dit finalement, quand on envoie des choses dans l'espace, normalement, ça retombe sur Terre. Donc finalement, il y a une partie de tout ce qu'on a envoyé n'est pas resté dans l'espace. Par la gravitation, ça finit par retomber, et ça, comme tout ça a été extrêmement bien pensé, ça rentre sur Terre et ça se désagrège en tombant dans l'atmosphère, et tout va bien. Dans le meilleur des cas, oui. Alors que ça retombe sur Terre, oui, de toute façon, au bout d'un certain moment, enfin, Christophe pourrait le dire mieux que moi, mais l'orbite, c'est une orbite, c'est une chute infinie. Enfin, l'objet chute au bout du compte vers la Terre. Mais évidemment, plus on est en altitude, plus cette chute prend du temps. Et donc, bien, vous avez des orbites, on va dire quasiment auto-nettoyantes, si vous êtes très très près de l'atmosphère. Éventuellement, mais avec le ralentissement atmosphérique, vous pouvez avoir des petits frottements qui vont accélérer la chute. C'est-à-dire à 300, 400 km. À 300, même plus bas. Même pour plus bas. Un an ou six voilà. mois, un truc comme ça. D'accord. Et puis, ça va passer peut-être à quelques siècles si on augmente de quelques milliers de kilomètres. À 800 kilomètres, qui est l'orbite célèbre au point de vue de tout ce qui est environnement, observation de la Terre, etc., c'est deux siècles à peu près. Avant de retomber. Et à 1000 kilomètres, c'est 1000 ans. D'accord, et donc à 35 000 km, on en parle. Non, 35 000, ça ne retombe pas. D'autres problématiques. Okay. Ce qui fait retomber, ce n'est pas la gravitation, c'est la traînée atmosphérique. Donc l'atmosphère résiduelle, et à 36 000, il n'y a plus rien. Alors il existe quand même une norme aujourd'hui que les agences spatiales partagent, qui est de dire, dans l'idéal, il faudrait qu'à sa fin de vie, un satellite en orbite basse réintègre l'atmosphère, j'allais dire, soit détruite dans l'espace de 25 ans. C'est ce qui est aujourd'hui demandé. J'ai cru comprendre que de nouvelles exigences mettraient cet âge à beaucoup moins, peut-être 5 ans, quelque chose. Alors, on va revenir sur les normes spatiales pour comprendre qu'effectivement, toutes les agences spatiales, les unes après les autres, et puis on pourra dire peut-être aussi Cocorico, puisque la France est, je crois, le seul pays, je parle sous votre contrôle, qui ait même voté une loi dans ce sens-là de programmation. On va y revenir. Avant de ça, je continue avec mes questions de Béotien, puisque à 35 000 km ou à 35 800, on peut dire que les objets restent dans l'espace infiniment. La question, c'est pourquoi ne pas faire un cimetière spatial ? Je crois que ça existe aussi, finalement, de se dire à un moment donné, au lieu que ça retombe sur Terre, on peut tout envoyer à un endroit où on n'entendra plus jamais parler. Qui veut répondre à ça ? Précisément. Donc ça, c'est tout à fait applicable à l'orbite géostationnaire. C'est-à-dire l'orbite géostationnaire, aujourd'hui, la règle qu'on demande, c'est remonter d'au moins 300 km. Donc 300 km, ça semble pas beaucoup face à 35 800, mais à 300 km au-dessus, il n'y a plus rien. On a 4 ordres de grandeur de moins comme objets spatiaux, et là, c'est très, très stable. Puis après, on garde en tête que le jour où on sera plus intelligent, on aura une propulsion encore plus efficace, etc., à la limite, on les éjectera du puits gravitationnel de la Terre, et donc on passera en trajectoire de libération. Une grande poubelle spatiale. Voilà. Je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'en attrister. Il n'y a rien, hein. Il faut rentrer dans les nombres également. mais on peut rentrer dans les nombres, si vous voulez. Ok, tiens, alors, juste quand même, pour fixer les ordres de grandeur. Hein. Si vous prenez l'endroit le plus pollué au-dessus de nos têtes, vous prenez une boîte qui fait 100 km sur 100 km sur 1000 km, déjà une belle boîte. Mm-hmm. Là-dedans, statistiquement, il y a un objet de la taille du poing. Donc l'espace... Là, on est à quelle orbite, à l'orbite de 800, d'accord. Okay. Donc en géostationnaire, c'est beaucoup, beaucoup moins. On estime qu'on a à peu près 1500 gros objets, mais 36 000 km, c'est énorme comme volume. Je m'étais amusé à calculer le volume relatif des débris spatiaux en orbite basse par rapport au volume des orbites jusqu'à 1500 km d'altitude. C'était l'équivalent de deux bouteilles de... Coca ou autre. De soda, noyé dans la Méditerranée. Hein, voyez, donc vous imaginez. Donc vraiment, il faut bien garder en tête, et ça c'est important, l'espace est infiniment vide. Il y a juste 8000 tonnes. Hein, 8000 tonnes, alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel, subdivisé en tout petits morceaux, en petits morceaux, et éparpillé au-dessus de nos têtes. Et ces morceaux-là présentent trois inconvénients. Le premier, c'est quand ils sont là-haut, ils y sont pour très longtemps. Un objet à 1000 km est là-haut pour 1000 ans. Secondo, ils sont en orbite, donc ils vont très vite, 30 000 km à l'heure. Donc 30 000 km à l'heure intégrés pendant 1000 ans, la probabilité pour faire une mauvaise rencontre devient significative. C'est ça, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une affaire de statistique. Tout à fait. Et troisièmement, s'ils survivent, comme vous le disiez tout à l'heure, ils rentrent dans l'atmosphère, ils rentrent sur Terre, ils peuvent impacter la surface du globe. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'était très important, merci de l'avoir fait, de préciser ces échelles de grandeur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aussi, ce trafic spatial, il se concentre essentiellement dans les deux zones dont on parle, c'est la zone low orbit, low Earth orbit, LEO, LEO, et la bit geostationary Earth orbit, qui sont entre 400 et 2000. Donc les orbites basses, c'est le poule et l'œuf, hein, c'est les zones les plus intéressantes qui sont les plus encombrées. Donc les zones les plus intéressantes pour nous, c'est vers 800 km, mettons entre 700 et 1100 km d'altitude, tous les satellites d'observation de la Terre, météo, environnement, etc. Et l'orbite géostationnaire, alors évidemment, l'orbite est unique, mais en fait, on protège une zone de plus ou moins 200 km et plus ou moins 15 degrés par rapport à l'orbite géostationnaire elle-même. Un mot, et puis on va passer justement à cette gouvernance, tout de même pour dire que des collisions, il y en a eu. Parce que des collisions, il y en a eu, et notamment la dernière en 2009 entre deux satellites. Oui. Alors l'un était actif, l'autre était inactif, mais enfin, il y a des collisions. Et le problème, c'est que quand de collision il y a, c'est C'est compliqué parce que ça génère beaucoup de débris et ça devient... Voilà, ça se génère. Alors, dès qu'il y a, de toute façon, un échange d'énergie cinétique, ça génère des débris. Alors, il y a eu des collisions, celle que vous mentionnez, qui a été quand même la première collision répertoriée comme telle entre un satellite, pour le coup, américain et un satellite russe. En plus, c'était très symboliquement, voilà. Voilà. Alors, avec, bon... L'américain était en service, le russe était hors service. C'est ça, était hors service. Alors, avec, voilà, est-ce qu'on aurait pu bouger, etc. Enfin, il y a eu une petite controverse à l'époque. Bon, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements, je dirais, entre les pays pour savoir qui a eu cette responsabilité. Mais au-delà de ça, on a eu surtout aussi la création de débris par, alors de manière volontaire, par des interceptions de satellites pour faire des tests d'armement. Ça, alors, d'abord, on a eu un ensemble. Il faut s'en rappeler parce qu'on a eu d'abord ce qui a réveillé, je dirais, la communauté internationale sur le problème des débris et plus largement sur le problème de la protection des satellites. C'est un tir chinois en 2007 qui a eu pour conséquence de détruire un satellite chinois. Donc, ils ont fait un test qu'on appelle anti-satellite en utilisant un missile au sol en janvier 2007. C'était le 11 janvier 2007. Le 11 janvier 2007, tout à fait. Et ça a créé beaucoup de débris qui sont un peu partis dans tous les sens et dont on paye encore un petit peu les conséquences aujourd'hui. Je crois que la station spatiale le manœuvre régulièrement. Le problème, c'est que Feng Yuan-C était à 800 km d'altitude, donc voilà, une orbite très très stable. Et donc, ça a généré quelques 4000 débris qui maintenant retombent en pluie fine et gênent, et comme la station spatiale. Et gênent la station tous les jours. Et surtout, il y a eu une répétition là, cette année, en mars, avec l'Inde, cette fois-ci. Voilà, pour des raisons politiques aussi, pour montrer que l'Inde est un acteur du spatial, notamment. Mais il faut se rappeler quand même que ce ne sont pas les premières expérimentations anti-satellites qui ont eu lieu. Pendant la guerre froide, les Soviétiques, notamment, ont mené pas mal d'expériences, d'expérimentations, notamment de ce qu'on appelle d'explosion co-orbitale, donc un satellite qui se rapproche d'un autre et qui projette de la matière d'une manière ou d'une autre. Les Américains avaient vu ça d'un œil un peu quand même inquiet. Ont procédé eux-mêmes à une première interception avec un missile qui était monté sous un avion et qui en 1985 a été cassé un de leurs satellites. Mais ils ont dit qu'ils avaient fait ça de manière beaucoup plus propre, etc. Bon, mais on était dans un contexte guerre froide qui régulait un peu tout ça. On n'avait pas intérêt à ce que l'espace devienne quelque chose de non contrôlé. Au contraire, c'était plutôt un sanctuaire parce que les deux utilisaient l'espace pour se surveiller mutuellement. Ça garantissait l'équilibre stratégique. Donc, en plus vaguement des traités spatiaux. Ça n'empêchait pas grand chose. Hein, le traité spatial, le principal texte de 67, n'empêche qu'une seule chose, c'est de mettre sur orbite des armes de destruction massive, en gros des bombes nucléaires. Pour le reste, vous avez le droit de faire à peu près tout ce que vous voulez. Mais en fait, il y avait une autorégulation politique parce que, on était dans la guerre froide, l'espace participait de la dissuasion mutuelle et donc on n'avait pas intérêt à déstabiliser tout ça. À partir du moment où l'espace est devenu d'un intérêt militaire différent, c'est-à-dire qu'on utilisait l'espace pour mener des opérations. Donc là, on est rentré dans des logiques plus classiques de ciblage, etc. Et donc, les militaires aujourd'hui, pour parler de la partie militaire de cette chose-là, estiment qu'il y a besoin de protéger et qu'on désanctuarise un petit peu l'espace. C'est ça aujourd'hui à quoi on s'affronte. Ça participe du changement de paysage. Et puis peut-être un mot pour conclure là-dessus, c'est qu'on parlait justement de ces destructions de missiles de Feng Yun 1C, du fait que la station spatiale est obligée de manœuvrer. Il y a eu en 2011 une situation où les cosmonautes ont été obligés, les astronautes, pardon, enfin, il y avait les deux d'ailleurs, ont été obligés d'aller se réfugier dans les vaisseaux Soyuz pour éviter ça. Explorer, ici Houston. Parlez, Houston. Mission avortée, je répète, mission avortée. Procédez au désarrimage d'urgence du télescope Hubble. Initiez la procédure de rentrée. ISS, procédez à une évacuation d'urgence. Bien reçu, procédure lancée. Matt, revenez immédiatement sur Explorer. Je répète, revenez immédiatement sur Explorer. Bien reçu. Explorer, préparez le SAS. Le SAS est armé, prêt à vous recevoir. Houston, développé. Les débris de l'impact missile ont causé une réaction en chaîne. En percutant d'autres satellites, ils ont créé de nouveaux débris. Et ça file à la vitesse d'un boulet de canon vers votre altitude. Confirmez réception. 5 sur 5. Emballez-moi ça, docteur. Je peux pas. Le redémarrage est en cours. Je vous le demanderai pas deux fois. Oui, une seconde. Pas dans une seconde, tout de suite. Vous désactivez tout. C'est en ordre. D'accord, oui, pardon. J'ai fini, c'est bon. Kowalski, procédez au désarrimage d'urgence du Hubble. Ok, j'arrive, on va y aller. Monsieur Matt. Houston, situation ? C'est une réaction en chaîne totale. On a reçu confirmation qu'il s'agit d'un dégât collatéral d'une frappe russe sur un de leurs satellites. Ils ont abattu leur propre satellite ? Droit de sabordage. Sans doute un satellite espion qui a merdé. Pour nous, c'est une bombe. Explorer, paré à désarrimer Hubble. Déverrouillage dans 3, 2, 1. Explorer, ici Kowalski, je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite BSE. Attention ! Je répète, j'ai un contact. Ici Dr. Stone, je demande un transport plus rapide. faut partir. On y va, on y va, on y va. Un homme est touché, un homme est touché. Extrait du film Gravity d'Alfonso Cuarón, vous me disiez, Christophe Bonal, c'est finalement assez réaliste, ça pourrait presque être documentaire si on laisse passer la licence poétique évidemment propre à la fiction et au cinéma. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est vrai, il dure 1h30 au lieu de durer, peut-être, il aurait dû durer 15 ans pour être plus réaliste, mais là ça aurait été un peu long comme film. Mais sinon, vraiment, techniquement, extrêmement bien fait, et puis tout à fait réaliste. C'est même pas forcément exagéré, hein. C'est rigolo, quand on regarde ce qui aurait pu arriver à Sandra Bullock, qui est réellement arrivé en orbite, des incendies, des trucs, même se battre contre des loups après l'atterrissage, il y a une capsule qui avait terminé dans un lac. Enfin, elle s'en est plutôt bien tirée. Dans l'espace, pas de son. Ils ont peur de perdre ce qu'ils sont. Si tu tends bien les yeux, tu peux les voir. Des gars, sur Terre, ils n'avaient plus les pieds. Alors, ils ont creusé des cratères. L'espace de Mademoiselle K sur France Culture à 16h35, c'est dans l'espace que nous sommes et où l'on a entendu crier Sandra Bullock tout à l'heure, puisque évidemment nous parlons du trafic spatial, de l'augmentation du nombre d'objets, de petits objets, de débris qui vont conduire ou qui pourraient conduire en tout cas à l'organisation d'une sorte de surveillance globale de ce trafic spatial. Nous en parlons avec Christophe Bonal qui est chercheur au CNES et président de la commission débris spatiaux de l'Académie internationale d'astronautique, et Xavier Pascaud qui est directeur de recherche stratégique et spécialiste de l'espace. Et on l'a dit, plusieurs radars, plusieurs télescopes observe aujourd'hui les différentes orbites terrestres pour tâcher de prévenir de nouvelles collisions, à tel point que, comme bison futé sur les routes, certaines institutions se sont spécialisées finalement dans une forme de météo spatiale pour prévoir les risques à court, moyen, voire long terme. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris pour savoir quel temps collisionnaire il fera demain et AG+7. Et même dans un siècle, j'ai envie de dire, parce qu'il a fallu s'équiper à la suite de la loi sur les débris spatiaux qui a été promulguée en 2010, il a fallu s'équiper d'outils pour gérer la circulation spatiale. J'ai été voir Florent Delphi qui est astronome et il a développé il y a quelques années un logiciel qui modélise l'ensemble des trajectoires des objets autour de la Terre, des satellites ou bien des débris de toute taille. Ce logiciel du nom de Stella est fondé sur les lois de la dynamique céleste. Il donne ainsi une prédiction fiable de cette météo spatiale pour à la fois améliorer le trafic et mieux préparer les lancements des futures missions. Les propagateurs d'orbite, c'est une application autour de la Terre des lois de la mécanique céleste, le principe fondamental de la dynamique. Donc les activités que nous développons concernant la mécanique spatiale vont être essentiellement de deux types. Soit on va s'intéresser à quelques orbites en particulier, et là on va essayer de prendre en compte les observations qui sont disponibles pour avoir le meilleur niveau de précision possible. Et l'autre type d'activité consiste à évaluer quelle sera la structure de la population des débris spatiaux sur des échelles de temps extrêmement longues. Donc là, il s'agit plus, dans ce cas-là, d'une propagation de type statistique. On essaye de définir des zones dans lesquelles il va y avoir énormément d'objets, des zones qui, au contraire, vont être préservées de ce qu'on va appeler de la pollution par des petits objets, de manière à garder la possibilité d'y envoyer des engins opérationnels. Donc vous étudiez toutes les orbites, qu'elles soient géostationnaires, orbite basse et aussi orbite médiane ? Alors c'est là où les astronomes ont le rôle à jouer effectivement, parce qu'il va s'agir de décrire la population des débris spatiaux avec les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour décrire les objets du système solaire. On s'intéresse à la distance au Soleil, l'inclinaison sur l'équateur et le calcul des probabilités de collision, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue analyse mission en avance. On voit qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, le bilan des forces, la dynamique, mais aussi la caractérisation des orbites des engins. Comment vous avez développé votre logiciel ? Quel était l'objectif alors ? Alors, on a développé, dans le cadre d'une collaboration entre le CNES et Thales Service, au début des années 2010, une étude visant à vérifier l'adéquation du choix d'une trajectoire aux spécifications de la loi sur les opérations spatiales. Alors, donc voilà l'interface du logiciel Stella. Donc on voit d'emblée qu'il y a les trois orbites. Alors les trois familles d'orbites, effectivement. Trois familles d'orbites. Donc les orbites basses, là où le freinage atmosphérique agit. La ceinture géostationnaire, très fortement utilisée, donc très fortement encombrée également. Et la famille de ce qu'on appelle les orbites de transfert géostationnaire, les GTO. Donc pour un opérateur, il n'a finalement plus qu'à désigner l'objet et le temps. Exact. Enfin, surtout les conditions initiales. Donc vous voyez, quand on choisit l'une des familles dynamiques, eh bien on arrive dans une fenêtre où il suffit de choisir les paramètres qui vont être utilisés comme paramètres initiaux. Par exemple, la donnée d'une position et d'une vitesse à un instant initial. Et on demande quelle est l'évolution de la trajectoire sur un jour, un an ou un siècle. Donc par exemple, il y a la possibilité d'utiliser directement des éléments kepleriens également, directement en lien avec les trois lois de Kepler. Qui prendre le mouvement des planètes. Voilà, donc on peut par exemple prendre un objet à peu près à 400 km d'altitude. On va le considérer très faiblement excentrique, trajectoire qui ressemble très fortement à un cercle. Donc on va prendre par exemple 0,01 comme valeur de l'excentricité. L'inclinaison sur l'équateur, il faut qu'elle soit choisie entre 0 et 180 degrés. Un satellite qui va passer au-dessus des pôles va avoir une inclinaison de 90 degrés sur l'équateur. Et par exemple, on peut prendre un objet qui va passer au zénith de tous les points de la France métropolitaine, par exemple 50 degrés. Voilà. Et la valeur des angles qui sont là vont varier au cours du temps. Donc pour un premier test, il n'est pas illogique de choisir zéro. En paramètres supplémentaires à indiquer, il y a aussi les caractéristiques de l'objet, la masse notamment. Alors la masse et la surface, de manière à quantifier correctement l'intensité du freinage atmosphérique. Donc là, par exemple, on a pris un objet d'une tonne et d'une surface effective de l'ordre de 10 mètres carrés. Et pour gouverner le freinage atmosphérique, la densité atmosphérique est très étroitement gouvernée par l'intensité de l'activité solaire. Donc une fois que tous les paramètres ont été correctement... Alors là, on est sur 25 ans. Alors là, on a choisi de la faire sur 25 ans, effectivement, parce que c'est un exemple en orbite basse, et le critère à vérifier, c'est justement le critère des 25 ans. Donc une fois que tous les critères ont été renseignés, il suffit de lancer l'extrapolation. Vous voyez, là, Stella est en train de propager les équations sur 25 ans. La progression est assez rapide, comme vous le voyez. Et dans l'exemple que l'on a pris, eh bien, la durée de vie est de l'ordre de 14 ans. Et parmi les types de sorties, on peut générer un certain nombre de graphiques. On remarque que l'altitude a une décroissance qui n'est pas du tout proportionnelle au temps, mais qui s'accélère. Hein, c'est une variation de type exponentielle. Et donc finalement, avec ce genre d'outils, on arrive à déterminer une fin d'activité. Exactement. Ce qui permet finalement d'éviter les collisions. Alors, ça permet au moins de vérifier que le choix d'une trajectoire est conforme aux recommandations de la loi sur les opérations spatiales. Ce logiciel-là, c'est un très bel exemple de collaboration entre des besoins opérationnels, un industriel et un laboratoire de recherche. Il y a maintenant énormément d'efforts qui sont faits de par le monde pour traiter ces problèmes liés à la prolifération des débris dans l'espace, pour plein de bonnes raisons, liées à l'activité économique, liées à la sécurité des vols, liées à la sécurité des missions, et puis d'une manière générale à la protection de l'environnement. C'est toute cette conjonction d'efforts des uns et des autres qui permettra de, lentement mais sûrement, déjà éviter que le problème ne s'aggrave encore, et d'ici quelques années, de manière à envisager qu'il puisse être résolu dans des très grandes proportions. Voilà cette météo orbitale pour prévoir le temps et la durée de vie de ces objets que l'on lance dans l'espace et leur trajectoire. Un mot de réaction peut-être, Christophe Bonnaz? Oui, Obelskela est un outil absolument formidable que vous pouvez très bien télécharger de façon libre sur le site du CNES. C'est un outil qui a été étudié au niveau, analysé correctement au niveau international et qui est considéré comme la référence au niveau international. Xavier Pascaud? Oui, mais je crois que ça fait partie en réalité de ces outils qui vont être de plus en plus disponibles pour gérer une situation collective en fait. On est tous interdépendants dans l'espace et finalement on se rend compte que tous ces efforts qui sont faits, essentiellement menés par la communauté des agences spatiales, la communauté scientifique, sont des efforts d'abord collaboratifs qui tranchent un petit peu avec le caractère très étatique. Hein. Tout ça c'était dans le secret, c'était géré. Alors, il y a toujours les aspects militaires, mais tout ça, ça fait partie aussi de ce changement de paysage. Et d'ailleurs on va y revenir, hein, mais les aspects militaires ce sont encore ce qui préside aujourd'hui. Aujourd'hui, au repérage et à la cartographie des objets, notamment des petits objets et peut-être des plus petits objets, parce que l'idée, c'est de, on va voir l'échelle. Peut-être un mot tout de même, Christophe Bonnel, pour dire que finalement, là aussi, question de Béotien, on se dit, oh bah finalement, collision, pouf, on voit le truc arriver, pouf, on met un petit coup d'ergol, pouf, ça change un peu. En fait, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ça prend des heures et des heures de dévier un satellite de son orbite. Il faut se rendre compte, on a une équipe au CNES à Toulouse, par exemple, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent 24-24, 7 jours sur 7, juste pour protéger les satellites du CNES. Donc, on a une centaine de satellites à protéger. Et par exemple, pour donner une idée, sur les 26 satellites qu'on avait en orbite basse, donc à moins de 2000 km d'altitude, en 2018, on a eu 3 millions de messages message de conjonction, c'est-à-dire ah tiens, si j'étais vous, je ferais attention, vous allez vous rapprocher de quelque chose. Mais donc ça signifie 3 millions de fois où il faut commencer à analyser les trajectoires et puis décider et progresser. Le cas échéant, si c'est un peu sérieux, faire appel à des radars complémentaires. Donc là, en France, on a la chance d'avoir un système de radars, notamment avec un gros radar qui s'appelle le Grave, puis un réseau militaire. Qui est à Toulouse, hein? Non, le Grave est à Dijon. Oui, d'accord, pardon. Biscétique dont l'émetteur est à Dijon. Puis le réseau SATAM militaire. Donc, grâce à ça, on peut peaufiner et dire, oui, ben, effectivement. Et si, à la fin, on dit, oui, ben, je confirme qu'il y a alors un risque de collision, donc supérieur au seuil qu'on se donne. Quel est le seuil, justement? Ça dépend. Mais l'ordre de grandeur, c'est une chance sur 1000, hein, à peu près. Mais ça dépend. Hein, et auquel cas, à ce moment-là, là, on décide de manœuvrer. Et comment ça se passe, cette manœuvre? C'est très long. C'est pas forcément très long. Non. Par exemple, la manœuvre des Holus dont on parlait tout à fait au début a eu lieu 3/4 d'heure avant la collision annoncée, hein, avant le maximum de collision. Donc, ça dépend complètement du type de propulsion que vous avez à bord. Si c'est une propulsion chimique un peu standard, bon là, c'est relativement simple à faire. Par contre, c'est défiabilisant. Il faut allumer le moteur, il faut changer d'orbite. Vous perdez quelques jours si c'est un satellite d'observation de la Terre. Vous perdez quelques temps. Après, il faut se réinsérer si c'était un ensemble, hein, par exemple la Quatrain avec la NASA. Dans ce cas, il faut se réinsérer à sa place correctement. C'est quand même quelque chose de très assez lourd. Bon, oui, très, voilà, très lourd, hein, et qu'on évite de faire. Mais heureusement qu'on le fait parce que ça nous permet. Donc là, je sais pas, on a manœuvré, je crois, 16 ou 18 fois en 2018. Donc quelque chose de significatif. Aujourd'hui, Xavier Pascaud, il y a donc chaque pays observe et surveille ses propres satellites. Les pays se préviennent entre eux à peu près correctement. Il y a plusieurs problèmes. D'une, il y a le problème des débris. Deux, il y a le problème des CubeSat, ces petits satellites souvent universitaires qui sont envoyés, qui n'ont pas de système de propulsion, avec lesquels on peut rien faire et qui sont moins surveillés. Puis trois, il y a le problème des acteurs privés qui envoient et des constellations. Bref, il y a de plus en plus de monde. Cette galaxie, comme vous le disiez tout à l'heure, est en train de changer. Se pose aujourd'hui la question de Space Traffic Management. C'est-à-dire d'un management, d'une décision à l'échelle internationale. Où est-ce que ça en est? Pourquoi est-ce que ça n'est pas déjà vu le jour? En tout cas, voilà, ma premier point, on se rend compte que il y a de l'appétence économique pour le milieu spatial, pour l'exploiter, parce que les technologies font qu'aujourd'hui, on pourrait l'exploiter de façon plus optimale pour l'industrie, pour l'économie. Et donc, il faut gagner aussi la confiance des investisseurs. Donc, gagner la confiance des investisseurs, c'est-à-dire des systèmes qui auront des débouchés commerciaux, d'une part, et qui évolueront dans un environnement, je dirais, réglementaire, pacifié, consolidé. Et aujourd'hui, l'espace, c'est vrai que c'est né dans un contexte plutôt intergouvernemental, avec seulement quelques pays qui se connaissaient bien, qui s'observaient, qui éventuellement avaient des codes de conduite, de communication. Mais aujourd'hui, le nombre d'acteurs, on a, je crois, quelque chose comme 70 pays qui ont au moins un satellite en orbite aujourd'hui. Déjà, le nombre d'acteurs nationaux a vraiment... On n'est plus dans un petit club. De cinq ou moins de dix personnes. On n'est plus là-dedans. Et en plus, et donc ces pays, d'ailleurs, au passage, qui investissent parfois, de pays qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui investissent dans un satellite pour leur développement, par exemple pour les télécommunications, pour l'observation, bien évidemment, ils ont envie que ce satellite, il soit fonctionnel et il soit protégé. Et puis, vous l'avez dit, les acteurs privés, là, qui vraiment, ça, c'est vraiment la nouveauté, qui investissent dans des projets de constellation de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites. Alors les CubeSats dont vous avez parlé souvent, alors vous disiez universitaire, vous avez raison, hein, c'est né dans ces conditions-là. On voit des petites sociétés, petites start-up qui l'utilisent, mais normalement des orbites plus basses. Enfin, d'ailleurs, ils font beaucoup de publicité pour dire qu'ils sont en fait très responsables et qu'ils font ça très bien. Est-ce que c'est le cas ? Bah, c'est partiellement le cas, je crois que Christophe pourrait le dire. Une société comme Planète est relativement, de ce point de vue-là, relativement responsable. Oui, tout à fait. Planète, ce sont des petits satellites, 30 cm sur 10 sur 10, qui sont des appareils photo. Et donc, il y en a actuellement 150 ou quelque chose comme ça, oui. Voilà, en orbite très basse, qui retombent assez rapidement, mais qui sont remplacés, donc, au fur et à mesure, et à chaque fois en améliorant l'appareil photo. Donc, eux, ça les dérange pas du tout de rentrer. Alors, la chose intéressante, quand même, qu'a mise en évidence un chercheur américain récemment, c'est que, en fait, chacun surveille. Les pays disposent de leurs systèmes nationaux de surveillance, et puis les opérateurs eux-mêmes ont une idée de l'endroit où se trouvent leurs satellites. Enfin, il y a plein de sources de renseignements sur la position des satellites. Et quand on collationne ces sources, finalement, on se rend compte qu'un satellite, finalement, la position d'un satellite, c'est presque une opinion, quelque part. On a des gens qui pensent que c'est là, on a des gens qui pensent... Alors, c'est jamais très éloigné, mais c'est quand même un nuage de points. Plus vous zoomez, plus le nuage se distend. Et après, il faut faire la moyenne. C'est pas si simple que ça de savoir précisément où se tient un satellite, en fonction de la diversité des sources qu'on a. C'est le problème majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Xavier a tout à fait raison. Aujourd'hui, si vous voulez, pour éviter la collision entre deux objets qui font un mètre chacun et dont on connaît la position à 1 kilomètre près ou 2 kilomètres près, évidemment, c'est pas facile. Donc là, la priorité vraiment au niveau international aujourd'hui, c'est améliorer la précision des éphémérides, donc la précision des orbites. Il faudrait gagner un facteur 10, voire un facteur 100. Il y a un nouveau radar qui va être lancé. Alors il y a un nouveau radar qui va être déployé au sol. Qui va être inauguré. Tout à fait, et qui a des avantages et inconvénients. Donc l'énorme avantage, c'est qu'il a une sensibilité qui devrait permettre de cataloguer, au lieu d'avoir des objets de 10 cm, on devrait descendre à entre 5 et 3 cm. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on va nettement mieux connaître ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. La mauvaise nouvelle, c'est que donc au lieu d'avoir 20 000 objets catalogués, on va en avoir 200 000. Et là, les 3 millions d'alerte de mes collègues toulousains, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et évidemment, au fur et à mesure de l'amélioration des équipements, on a aussi des pays qui auront plus d'informations que d'autres. Donc il va falloir penser à l'échange d'informations et il va falloir plus largement penser à la structure, à la gouvernance finalement de cet échange d'informations. Justement, comment faire une gouvernance ? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on est quand même très dépendant. Tous les pays sont relativement américano-dépendants. Oui, disons que les Américains, historiquement, c'est le système. Disons qu'historiquement, c'est le système qui est le plus important. Ils ont eu une politique dès le début délibérée de distribution de données. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, ils ne donnaient pas nécessairement toutes les données. Ça sert de base de référence, mais désormais, un pays comme la France, par exemple, qui a ses propres systèmes, il s'en sert un peu, on allait dire, pour un petit peu corroborer tout ça, on peut vérifier. Alors, quelquefois, ça colle, quelquefois, ça colle un peu moins. Pour d'autres pays qui n'ont pas de système, ils s'en remettent à ce qu'on appelle les TLE, les Two Lines Element américains. Alors, évidemment, avec un système comme la Space Fence, donc le radar que vient d'évoquer Christophe, on va voir, ça va être intéressant de voir déjà la politique américaine par rapport à la distribution de données par rapport à ce radar. Et ensuite, le problème, de toute façon, quel que soit le radar, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'acteurs dans l'espace qui vont avoir des besoins industriels, nationaux, différents. Donc il va falloir trouver une boîte d'échange, un système d'échange. Comment on fait pour mettre tout ce monde? Alors on n'en a pas parlé, mais on peut dire en quelques mots que agence spatiale par agence spatiale, il y a eu un certain nombre de standards autour de la construction et la diminution des risques spatiaux qui ont été adoptés jusqu'à un standard international aujourd'hui qui est celui de l'ONU. Pourquoi pas finalement On a eu différents standards donc qui ont été développés depuis 95, standard NASA 97, les Japonais 99, on était le troisième pays à avoir c'était le troisième à avoir un standard. Puis c'est passé à l'IADC qui est le Interagency Debris Coordination Committee, qui est le club des agences spatiales en charge des débris. Voilà, donc ça, c'était 2002. Puis c'est passé à l'ONU en 2007. Mais surtout, après, il y a eu une norme ISO en 2010. Et ça, celle-là est très importante parce qu'elle a été vraiment approuvée par tout le monde. On vient de la ressortir là, courant 2019. Et c'est là, ça, dans nos rêves, c'est si ce texte-là pouvait être approuvé par tout le monde, ça devrait. Il l'est pas encore tout à fait. Alors, il est, pardon, je me suis mal exprimé. Il est approuvé par tout le monde, pas rendu applicable. Mm-hmm. Et en gros, ce texte, mais vous dites, je vais peut-être l'appliquer, mais peut-être pas. Quoi. Ce standard, en deux mots, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des matériaux de construction qui se désagrègent mieux à l'atmosphère. C'est les 25 ans de durée. Il y a cinq grandes familles très, très rapidement. C'est primo, ne pas générer des débris en connaissance de cause. Donc, pas faire exploser de satellites dans l'espace. Évident, mais ne pas volontairement exploser. Mm-hmm. Secondo, éviter les explosions accidentelles. Donc, en fin de mission, bien vidanger le carburant, etc. Troisième truc, c'est les 25 ans dont parlait Xavier tout à l'heure. Quatrième, c'est les évitements de collisions. Hein. Donc, éviter les collisions quand c'est évitable. Ça semble idiot, mais donc, quand on sait où se trouve l'autre et quand on a les moyens d'éviter. Et cinquièmement, faire attention de ne pas être dangereux. Pour la population. Donc, soit concevoir en utilisant des matériaux qui fondent bien à la rentrée, soit viser, par exemple, le sud du Pacifique, là où il n'y a personne. Et alors, dernière question, pour conclure, justement, est-ce que, sous l'égide de l'ONU ou de ce comité international de gestion des débris, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de, je ne sais pas, de comité central où toutes les agences spatiales seraient représentées pour avoir une forme de coordination, vu le paysage que vous décrivez, son évolution dans les prochaines années, Xavier Pascal? Oui, avec même des représentants des acteurs privés, ce que vous dites est logique, effectivement, en fonction de cette évolution. Bon, on voit pas pour l'instant ceci se dessiner de manière très rapide, parce que le spatial en ce moment, au niveau international, est plutôt marqué par une résurgence de tensions et de politique nationale qui mêle beaucoup d'activités militaires à l'activité civile. Et donc, si vous voulez, par exemple, sur le problème des débris, par exemple, se mettre d'accord sur le fait de désorbiter des débris, d'agir de manière positive pour enlever des débris. Bien, on va avoir, et Dieu sait si Christophe connaît bien ça, on va avoir toute une politique internationale visant à favoriser ces technologies-là. Et en même temps, vous avez tout un pan de la communauté plus militaire qui va avoir dans ces technologies éventuellement des menaces sur des satellites. Parce que si vous pouvez enlever un débris, vous pouvez enlever un satellite, ça peut devenir ce qu'on appelle une arme anti-satellite. Alors, évidemment, tout ça est très virtuel. On peut parler, ce serait lancé dans avoir, surtout pour les débris en basse orbite. En basse orbite. Des petits ballons, des filets, on peut imaginer toutes sortes de systèmes. Depuis la Terre, des choses assez simples. Immédiatement, la question diplomatique, là, qui va ressurgir dans les cercles non plus techniques, mais diplomatiques, qui va décider? Avec quelles règles? Comment tout ça va s'organiser? Donc, quelle sera la gouvernance? Et à partir de là, ça bloque, puisque très vite, les pays sont en désaccord sur la manière de s'organiser. Voilà, c'est pour ça que, évidemment, comme conclusion, il est très probable qu'on ne va pas terminer avec une législation, une obligation, quelque chose, mais beaucoup plus de la coopération. C'est pour ça, notamment, donc, on est en train de proposer de changer l'expression Space Traffic Management en Space Traffic Coordination. Donc, c'est vraiment, on règle le problème en se parlant, en échangeant, et en étant logique et en appliquant les règles de bonne conduite qu'on a édictées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe Bonal, auteur de Pollution spatiale, l'état d'urgence. C'est chez Belin. Merci beaucoup Xavier Pascal, le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est chez CNRS Édition. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces problèmes de trafic et d'embouteillage autour de l'orbite terrestre. Un mot pour vous dire que si vous n'avez pas entendu le premier épisode hier, vous pouvez vous rattraper déjà en le podcastant puisque les 5 épisodes sont disponibles. Et puis c'est ce soir la diffusion du deuxième épisode du A Voix Nue consacré à Alain Prochian, neurobiologiste de talent, ex-administrateur du Collège de France. C'est un A Voix Nue signé par notre collègue et reporter de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On vous met là aussi le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode, Antoine Beauchamp donc, mais Céline Lezen, Eve Etienne, Amélie Naguet, Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandra Delbault, Olivier Bétard, qui est comme chaque jour à la réalisation, et c'était aujourd'hui Anthony Thomasson à la technique. Demain, suite à la catastrophe de Rouen, nous reviendrons sur l'histoire et l'application de cette norme Seveso. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment nous sommes ou non préparés à des accidents sur des sites chimiques à risque? On essaie de faire le clair là-dessus demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.